Inch'Allah, je vais récapituler ou résumer les quelques directives qu'on a évoquées hier au sujet des cours et autres pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas pu suivre sur MixLR. فتذكرنا مع الإخوة أننا افتتحنا بحمد الله عز وجل عاما جديدا. On a rappelé hier qu'on est rentré dans une nouvelle année, l'année 1441 de l'Hégire. Et à l'occasion de cette entrée dans une nouvelle année, يعني comme une forme de bonne résolution, on va changer certaines organisations, que ce soit dans les cours ou à l'extérieur. Fa dhakartu lakum anna al-as'ila inshallah takunu ala waraqa. Intahayna min al-as'ila بالمباشر يعني كل واحد عنده سؤال يكتبها على الورقة فإذا أردت أن أجيبها فأجيب وإن أردت أن لا أجيب عنه فلا أجيب إما لقصور علمي وهذا حاصل أو إما لعدم الحاجة إلى مثل هذه السؤال في مثل هذا الموطن. Donc on répète que les questions soient écrites et ne soient plus dites à l'oral. Celui qui a une question, il l'écrit durant le cours et il me l'envoie à la fin du cours, inshallah. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je peux pas, pour la simple bonne raison que je n'ai pas de science sur la réponse, je n'y répondrai pas. Ou aussi, Emada, si je juge que la question n'est pas appropriée pour le moment, alors je m'abstiendrai d'y répondre. Naam. Wadi tartibat labudda minha ya akhwan. C'est des organisations qu'on est obligé en vérité d'appliquer pour de un. Ne pas perturber le cours, le bon déroulement du cours, et de deux, pour ne pas allonger la durée du cours. Pour ne pas allonger la durée du cours, et de surcroît, multiplier le mada, l'occupation. Naam. Wa kadhalik talabtu min al-ikhwa al-fudala, wa jazahumullahu khairan, wa jazah. جميع من حضر هذا المسجد وتعاون معنا طلبت منهم أن يقتصروا على يوم الأحد ويوم السبت لمشاكلهم ولسؤالهم وما إلى ذلك. Et aussi, je rappelle que j'ai demandé à tous mes frères, et qu'Allah vous récompense tous, d'essayer de se restreindre, que ce soit dans leurs appels, dans les appels qu'ils me font, ou dans les demandes d'intervention, que ce soit pour des problèmes de couple ou autre, de se restreindre au week-end, car on est dans une nouvelle année, on veut partir sur de bonnes bases, et nastadrik al-akhta allati hasala lana fi al-aam al-madiya hatta la na'oud fiha. Et aussi on essaie de corriger les erreurs dans lesquelles on a pu tomber l'année dernière afin que on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. وكلنا مشغولون. Et on est tous occupés. كلنا عندهم أهل وكلنا أو جلنا عندهم عندنا أولاد وجلنا عندنا مشاغل عمل وما إلى ذلك فلا بد من ترتيب. Et en vérité, on est tous plus ou moins occupés. On a, pour la plupart d'entre nous, des responsabilités familiales. Pour certains d'entre nous, on a des enfants. Pour d'autres, des parents à qui on a la charge plutôt. Pour d'autres, des épouses. Wahakada. Donc, on est obligé d'avoir une certaine forme d'organisation. أما ترون العلماء يجعلون يوما خاصا بل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للنساء يوم الخميس لتعليمهن. Vous ne voyez pas que les savants, même je dirais même plus, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a accordé aux femmes un jour dans la semaine pour leur enseigner et pour leur apprendre la religion. C'est une organisation. Et les savants, pareil. On ne peut pas les avoir à n'importe quelle heure de la journée ni à n'importe quelle heure de la nuit. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs occupations. وَهَكَذَا وَهَكَذَا طَلَبَةِ الْعِلْمِ. Et c'est la même pour les étudiants en sciences qui donnent du peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. الَّذِينَ ذَهَبُوا فِي الْمَغْرَبِ عِنْدَ أَخِينَ مُنِيرٍ أبي عبد الرحمن وفقه الله وسدده قد رأوا منه يعني اغتنام الوقت وأنه لا يضيع وقته ويرتب أموره جزاه الله خيرا وكما قلت لبعضكم هو على حسن متابعة العلماء في أخلاقه وفي تدبيره لدروسه ومجالسته لإخوانه. À l'exemple de notre frère Munir, qu'Allah le préserve et le récompense pour tous ses efforts, hein? C'est un frère, pour ceux qui ont pu l'apercevoir et le visiter, c'est un frère qui, par la bienfait d'Allah Azza wa Jal, gère extrêmement bien son temps. Et c'est rare de le voir perdre une seconde de son temps, même si le fait qu'on soit occupé dans des problèmes pour des gens, c'est pas c'est fisabilillah. Lakin hunaka ashiya a'zam. Mathalan ana ma kammalt al-Qur'an. J'ai pas terminé le Coran. Wa hadha 'indi a'tabiruhu taqsir hasil 'azim. Wa muraja'at al-Qur'an kadhalik. مما يعني أحفظ بل مراجعة المحفوظات الأحاديث تحتاج إلى مراجعة. السلف يقولون حياة العلم المراجعة. La vie de la science c'est la révision. Donc moi j'ai besoin de terminer le Coran. Je l'ai pas terminé إلى يومنا هذا. وكم من إخواننا قد كملوا ختموا وفازوا وصاروا من أهل الله عز وجل وخلاص أنا قلت في نفسي هذه السنة نختمه إن شاء الله وما نقصد فقط الختمة نريد إتقانه والإتقان لا يأتي إلا بجهد ولا يأتي إلا بفراغ القرآن إذا أعطيته وقتا يعتيق جزءا يسيرا فما بال إذا ما تعطيه شيئا ونحن بعض الأحيان ننشغل عن القرآن أسبوع ما نستطيع نراجع يعني السورة التي حفظناها وخلاص كفانا تضييعا للقرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بدأ بأنفسكم. فأنا ما استطيع أن أنشغل للناس وأضيع نفسي وأضيع أولادي وأضيع الزوجات والإخوان والآباء والأمهات. دونك الله سبحانه وتعالى nous ordonne de nous sauver nous-mêmes, ensuite de sauver nos familles. Allah il a commencé par nous-mêmes. C'est-à-dire, là, j'ai pris la ferme résolution de me sauver déjà moi-même. Le temps passe, s'il n'y a pas de muradja, si je n'ai pas de temps pour réviser, si je n'ai pas de temps pour apprendre, يعني كما قال بعض السلف احفظ فإن كل حافظ إمام وطالب العلم لا لا لا لا يحصل له وقت لا يحفظ مستحيل لا بد يحفظ حتى إذا كمل القرآن يدخل في صحيح البخاري صحيح مسلم هذه الكتب النافعة أو أي كتب كأخينا هارون في المختار وهكذا وإذا ختم المختار يدخل في الفقه وهكذا طالب العلم لا ليس له وقت لا يحفظ دائما على له حفظ ودائما له مراجعة ودائما لكن صراحة يا إخوان منذ أتيت ضاعت المحفوظات عندي كثيرا ضاعت depuis que je suis revenu énormément de ce que j'ai appris sont oubliés. Ou énormément de choses, énormément de hadiths que j'ai appris, ou de versets, ou de... On a oublié. Falihada, on a pris la ferme résolution de se consacrer à nous-mêmes. Et aussi, comme j'ai dit, de se consacrer aussi aux femmes et aux enfants. Car c'est la base. C'est la base. L'insan, comme je vous ai cité dans le verset, il s'occupe d'abord de lui-même, ensuite de sa famille, ses proches. Naam. Wala awlad tahtaj. Yahtajoun. Ri'aya. Toujihat, wa durous, wa mujalasa. Wa ma ila dhalik. Et les enfants, ils ont besoin de temps. Et c'est rare qu'on arrive à leur consacrer du temps, surtout pour ceux qui travaillent. Alors imaginez-vous, tu travailles, tu sors du travail, tu t'occupes de l'histoire de Fulan, après tu vas dans l'histoire de Allan. Puis là, il y a un besoin. Les gens, ils ont besoin de gens qui interviennent dans leurs problèmes. Lakin, c'est pas par avarice que je dis ça, mais c'est vraiment parce que la base de cette da'wah, c'est l'ilm. La base de cette da'wah, c'est la science. Si la science, elle se perd chez leurs auteurs, ma fa'idatu min. C'est quoi la fa'ida que vous auriez d'une personne dont la science est partie de son cœur? Falihada, yani le fait que je m'accorde du temps pour moi-même et pour mes proches, ça rentre dans la masalih al-jami'. Masalih al-jami'. La siyama anna min al-mudhik anna ba'd an-nas idha dakhalta fi mashakilihim wa qadayta لما ترى ما يحترم قولك ما يحترم قولك et aussi parmi les choses qui sont ironiques c'est que on peut t'appeler dans une affaire et tu vas venir tu vas passer du temps tu vas donner un effort de toi-même tu vas priver tes épouses de ton temps ou tu vas priver tes enfants de ton temps et au final la personne qui t'appelle elle respecte même pas ton conseil ou là ton tes directives ou là il va penser à lui-même kamudhakara inshallah cette année on va essayer de terminer le Coran, wa nasallallahu dhalik, wa nasallallahu min fadlih. Et j'encourage par là même tous mes frères à rivaliser d'efforts. Prenez cette nouvelle année comme elle est, wa jiddu wa jtahidu fil ilm. Jiddu wa jtahidu fil ilm. Fa ba'dukum khatamu al-'am al-madiyah bil fawz wal barakah bi hajja. Certains d'entre vous, ils ont pu terminer l'année précédente, de la meilleure des manières. Tu termines l'année bil hajj. Normalement, tu commences l'année qui arrive là où anta abyad ma yakoun. T'es plus blanc que blanc, comme on dit. C'est-à-dire en termes de péché. Nadif, jiddan. Stamer, إذا وفقت للحج استمر في طاعة الله واستمر في دعائه للتوفيق واستمر في طلب العلم واستمر في الحفظ والمراجعة. فهذا هو يعني علامة قبول، نقول قبول وليس قبول، الكلمة الصحيحة الفصيحة قبول. فهذا علامة القبول، قبول حجتك. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité de faire le hajj et de terminer l'année précédente par un hajj, on lui conseille, on lui recommande de continuer dans cette bonne lancée en obéissant à Allah Azza wa Jal, en continuant de l'invoquer nuit et jour et en lui demandant la réussite et en continuant à faire talab al-ilm. Ya ikhwan, nahnu fi ayyam fitan. زمن فتن تريد الهجرة ما تدري أين تذهب تريد طلب العلم ما تدري أين تذهب تريد الخير والبركة ما تدري أين تتوجه أيام زمن فتن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا عند مثل هذه الأيام أن نتمسك بسنته أن نتمسك بسنته. Donc on est dans un temps, une période de trouble. Tu veux aller dans, tu veux faire la hijra, tu sais pas vers quel pays tu peux te tourner. C'est-à-dire sans que tu appréhendes un quelconque mal. Tu veux faire talab al-ilm, tu sais pas où tu peux aller. Tu veux ماذا tu veux des endroits où tu veux la bénédiction dans ta vie ou autre, et tu as du mal à trouver cela. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période de fitan. Et le prophète, alayhi salam, il nous a averti dans bon nombre de hadiths qu'il viendra un jour. Man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bis sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que celui qui vivra après lui, il va avoir énormément de troubles, énormément de fitan. Quel est le comportement à avoir lorsque ces troubles apparaîtront ? Alaykum bis sunnati. Accrochez-vous à ma sunna et à la tradition des nobles califes bien guidés. Accrochez-vous à la sunna du prophète, même par les molaires. Et le fait de protéger ce genre de cours et ikhwan, ça fait partie du tadbir. Ça fait partie de la mise en pratique de ce genre de hadith. لأننا ماذا نذكر في هذه الحلقة. Qu'est-ce qu'on évoque dans ce genre d'assises? قال الله قال الرسول قال أقوال السلف فبهذا تحيي القلب يحيي القلب وتحيي الصدر وترتفع المعنويات ويعلى الإيمان ويعلى الإيمان. Car c'est avec ce genre d'assises que le cœur se fortifie, que le cœur se fortifie et que grandit la foi de tout participant. فجدوا يا إخوان جدوا واجتهدوا ولا يعني تقتصروا بل اجعلوا همتكم عالية في السماء. Et ne négligez pas vos propres personnes. Faites preuve de rivaliser d'efforts dans l'apprentissage. Celui qui peut terminer le Coran, qu'il termine. Ou celui qui peut avancer ne serait-ce que à la moitié du Coran, qu'il le fasse. Ou qui peut apprendre un hizb, qu'il le fasse. Ou qui peut apprendre des hadiths, qu'il le fasse. Voilà. Et ne soyez pas démotivé par le fait d'apprendre. Ne soyez pas démotivé par le fait d'apprendre. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la science. Il lui enseigne la science. Et soyez des modèles, ya ikhwan, pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala à accorder des épouses. لَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ تَكُونَ بِالْقَوْلِ وَقَدْ تَكُونَ بِالْفِعْلِ وَإِذَا كَانَتْ بِالْفِعْلِ فَهِيَ أَبْلَغْ. Et le fait de conseiller l'épouse ou de l'appeler à la voie droite, ça peut se faire avec la parole, tout comme ça peut se faire avec les œuvres, avec le faire. Et lorsque tu le fais avec le faire, c'est plus convaincant. C'est plus convaincant. Donc si on veut que nos épouses soient des véritables modèles d'excellence, il faut que nous-mêmes, nous nous en donnions les moyens afin que nous soyons pour elles un très bon exemple. فَنَحْنُ نَخْتِمَ الْعَامَ الْمَاضِيَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحَةِ وَنَقْبَلْ على هذه العام أو على هذه السنة بالتوبة وحسن الظن بالله عز وجل. Donc on termine l'année, on est sorti, on a terminé l'année passée en se repentant à Allah عز وجل de tous nos péchés et de toutes nos erreurs. Et on commence cette année, كذلك, en demandant pardon à Allah عز وجل pour tous nos péchés et toutes nos erreurs, et on essaye de faire en sorte qu'on soit des exemples, que ce soit pour nos épouses, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour Abdelmalik. Abdelmalik, ta'al huna. Que ce soit pour nos épouses, pour nos enfants, ou pour même les frères autour de nous. Donc Inch'Allah, ceci étant dit, on espère que yani, tout le monde a compris le message, que c'est pas une c'est pas un changement parce que je déteste le fait d'être avec mes frères ou là. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que j'aime être avec mes frères, j'aime être avec eux et leur porter aide et assistance dans leurs problèmes. Lakin, comme je vous ai évoqué, il faut de temps en temps avoir des priorités et organiser les choses. Naam. Taïb, indana su'al, indaman. Ha, indak ya Baydris. Min ayam ma shuftak. An-nams. An-nams. La'an Allah. المتنمصات والنامصة مر معنا الحديث ما معنى النمص si je te dis en français là طيب c'est pas grave je te dis طيب le prophète عليه الصلاة والسلام il a maudit la femme qui prend des poils de son visage. Et celle qui demande. Et celle qui demande à se le faire faire. Taïb. Marra ma'ana al-mas'ala. Marrat ma'ana al-mas'ala. Est-ce qu'on a vu ce point-là dans les cours qu'on donnait pour les sœurs? T'as bon? Allez. Fiha ma fiha. Mohamed, marrat ma'ana. Taïb, marrat ma'ana. Taïb, man yathkur qawli fi hadhalka, fi hadhi al-mas'ala. Qui peut se rappeler la vie que j'ai évoquée de ma propre personne et ceux qui peuvent évoquer le. Est-ce qu'il y a une divergence? Est-ce qu'il y a. Mon avis, Allah alam, hein? 2000. Les poils qui gênent, qui la dérangent, elle peut les enlever. Les poils qui gênent, qui la dérangent, elle peut les enlever. Il y en a même qui voient qu'elle peut les toucher si c'est pour son mari. Et il y en a même qui voient qu'elle peut les toucher si c'est pour son mari. Ahsan, lillahi darruk ya Muhammad. Naam. Taïb. Wa nahnu J'ai pas retrouvé l'audio du dars. Il y en a بعض الاخوات elles ont pensé, ou peut-être à tort ou à raison, Allah alam, du moins j'ai pas pensé avoir dit que ou je ne pense pas avoir dit que l'épilation des sourcils c'est permis pour la femme mariée. Hakada. Tamam. On a évoqué le khilaf. لأن في المسألة خلاف. خلاف حاصل. ما نستطيع نحن أنا j'essaie dans mes cours d'évoquer les paroles des gens de science pour pas que justement vous ayez à prendre ma parole ou l'avis que moi je suis. J'essaie de vous donner les différents dires des gens de science qui ont été dits sur le point. Et je vous dis pourquoi moi je suis tel et tel avis. Ou khalas. Et moi, ce qui me semble, ce dont je me rappelle, c'est que j'avais dit que Aslan s'est basé sur un hadith. Ceux qui ont permis pour la femme mariée, c'est basé sur un hadith. Un hadith de Aïcha. Elle t'a scouré. Hadith de Aïcha, on lui a demandé. Et elle a répondu « Enlève de toi ce qui te gêne si toutefois tu es une femme mariée. » Tamam. Fima ma'ana al-hadith, je vous donne le hadith. « Al-hadith, minhum man sahahahu, wa minhum man da'af. » Al-hadith, certains l'ont authentifié, d'autres l'ont rendu faible. Fa-alladhi yadhkur, wa-alladhi ana alayhi al-an, أن ترك هذه الأفاعيل تجملا للزوج أولى وأحرى. Le fait de laisser ce genre de pratique uniquement pour s'embellir pour le mari, il vaut mieux laisser. هذا القول الذي أذكر. Ça, c'est la parole que je me rappelle avoir dite. Lakin, si on retrouve l'audio, on vérifiera. Et si jamais c'était pas le cas, parce que des fois il m'arrive de dire une parole ou d'évoquer un khilaf, mais avec une question ou deux, j'oublie de dire c'est quoi la parole que je suis. Wa khalas. Tamam. Lakin ma dam anna hadhihi al-mas'ala ashkalat ala kathira ala kathira ala kathiratin min an-nisa fa nadhkuruha ha huna. Et du moment que ce point-là, il a été plus ou moins mal compris chez beaucoup de sœurs, alors on l'évoque. Parce que certaines sœurs, pour une raison ou une autre, elles évoquent que j'ai dit que c'est permis de l'épilation pour le mari. Tamam. Or, c'est un masala khilafiyya. Ou l'ahsan, l'aula. Et le mieux, c'est de délaisser. Le mieux, c'est de délaisser. Taïb. En fait, les savants qui expliquent que c'est pour le mari, ils demandent si c'est à la demande du mari. Si c'est le mari qui lui dit... 10 minutes, t'es 10 minutes, enfin, 10 minutes ou enlève, ou. Tamam? Et déjà, de 1, il faut savoir qu'on a évoqué le khilaf. Maintenant, de 2, quand les gens ils disent c'est pour le mari, qu'est-ce que ça signifie? Et quand les savants ils disent c'est pour le mari, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est unique, il y a uniquement que le mari qui doit voir cette partie-là de son épouse. Or, si c'est une femme qui ne porte pas le sitar, comme c'est la plupart du hal, la plupart de la situation des femmes dans ce pays actuel, si c'est une femme qui ne porte pas le voile, le sitar, c'est-à-dire c'est le voile qui cache le visage, donc cette partie-là elle sera vue des hommes étrangers ou de toute personne étrangère. Et alors là, elle n'aura aucune excuse pour légiférer ce genre de pratique en s'appuyant sur l'avis des savants qui disent que ceci ou cela. Puisque ces savants-là, eux, ils ont permis seulement pour la femme mariée, c'est-à-dire celle qui ne se montre pas ainsi à autre que le mari. Tamam. Et c'est une masala, Yahya Ikhwan. C'est pourquoi je vous dis, le livre qu'on a fait, c'était vraiment une baraka, une bénédiction d'Allah Azza wa Jalla. On a vu énormément de masael. Cheikh Al-Fawzan, par exemple, il y a un audio de lui où on lui demande au sujet de ceux qui prétendent qu'il y a un khilaf sur la masala. Il dit, dans la question, celui qui pose la question, il dit, le Jumhur. Il dit, la majorité des savants, ils sont de l'avis que c'est permis pour la femme mariée. Or, c'est pas la majorité des savants. C'est une partie des savants, mais c'est pas la majorité des savants. Mais Cheikh Al-Fawzan, comment il répond? Il dit, Kadhab. Il dit, c'est un menteur, celui qui prétend qu'il y a un khilaf, il dit, Kadhab. أنت إذا ما عندك علم وما عندك الموسوعة الفقهية وما عندك الكتب التي يذكر هذه أو تذكر هذه المسألة فيها ربما تقف على كلام الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان بشر عالم جليل لكنه بشر إما أراد أن يرد على القول بأن هذا قول الجمهور شيء أو إما وهم أما المسألة فيها خلاف. الإمام أحمد بنفسه يقول يرى النتف le fait d'arracher épilé pour lui c'est interdit mais le fait de raser la baisse la kara ou de diminuer par exemple tu diminues avec la tondeuse la شيء فهذا موطن خلاف موطن كلام فيها فهمتم. لكن هذه كمذاكرة لأن بعض الأخوات تواصلنا مع الأهل وأخبرنا بالتالي أن فيهن من يظن أننا نبيح هذا الفعل على الإطلاق وليس كذلك. On évoque ça juste parce que c'est des dires qui me sont parvenus de la part de mon épouse. Et Mada, pour clarifier la situation, comme quoi, nous, on conseille de délaisser. Maintenant, aller dire que celle qui le fait, elle est dans une malédiction par rapport au hadith, je ne m'avance pas jusque-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a un khilaf, il y a des hadiths, certains, ils les ont authentifiés, d'autres, ils les ont rendus faibles. Lakin, l'insan, lorsque... il se trouve sur une falaise. Il ne va pas marcher au bord de la montagne. Il va chercher à marcher l'endroit le plus loin de madame, justement de la falaise. Allez, sakadalik, Ikhwan. Ça veut dire là, on a une mas'ala où on parle de malédiction d'Allah Azza wa Jal. Tard, min rahmatillah. La malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est dire combien ça doit faire peur. Le fait d'apprendre la science, c'est min awqad al wajibat wa min a'zam al ta'at wa antum fi jihad. Antum fi jihad wa antum fi afdal al jihad 'ala al itlaq. Afdal min jihad as-suyuf wa la shak. فأبشروا بهداية الله لكم على ما تقبلوا عليه وما تبذلوا من الجهد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله عز وجل أنه سوف يهدي من جاهد فيه والجهاد من أنواع الجهاد طلب العلم. كم من سلف يقولون طلب العلم عندي لا يعدله شيء. الإمام أحمد وغيره طلب العلم لا يعدله شيء. Non. Ceci étant dit, Juan, on va prendre notre dars. Voilà, bas, c'est Juan bil mudakara. Juan munasaha. هذه كذلك من مميزات التعليم عند أهل العلم أنهم لا يقتصروا على قال فلان قال علان إذا احتاجوا إذا رأوا حاجة الناس إلى نصيحة يخرجون من دروسهم ويلقون نصيحة خفيفة طيبة مهذبة يفهمها كل أحد في الجلسة. Et il n'y a pas de mal à donner ce genre de petits conseils entre nous. Ça fait partie de la science, Ikhwan. Et ça fait même partie de la façon d'enseigner des gens de science. Les savants, lorsqu'ils sont dans une de leurs assises, dans un de leurs cours, ils ne se contentent pas de lire le livre du début à la fin. Non. S'ils voient qu'il y a un besoin d'approfondir sur un point ou un autre, ils le font. S'ils voient qu'il y a un besoin de donner un conseil ou des directives sur une chose, ils le font. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, comme le prophète alayhi salatu wa sallam le faisait avec ses compagnons. Fajiddu ya ikhwan, jiddu fi hadha al-shahr khasatan shahrullah al-muharram الذي سن فيه الاكثار من الصيام والاكثار من الطاعات كقراءة القرآن ومراجعته وتدبره وكذلك حفظه ومراجعة الأحاديث وحفظها rivaliser des efforts dans ce moyen, ikhwan. Là, on a une période de 3 mois sacrés consécutifs. Là, c'est le dernier. Là, c'est le dernier des mois sacrés consécutifs. Muharram. Et c'est le plus important des mois. C'est le plus important des mois sacrés. On avait vu le Hajj avec ce qu'il y a comme œuvre. Mais le plus important, indallah, le plus muharram, le plus sacré, c'est Muharram. Shahrullah. Taïb. Qui pourrait me dire pourquoi ou quel est le secret dans le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a multiplié le jeûne durant le mois de Muharram? Et pourquoi il a dit que afdalu siyam ba'da ramadan siyam shahrillah al-muharram? Pourquoi l'imam ibn Rajab hafidhahullah yaqul li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam adafa ash-shahr ila Allah 'azza wa jalla, adafa ash-shahr ila Allah fa qala shahrullah al-muharram. Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam, tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a lié ce mois à Allah azza wa jalla. Il a dit ce mois est le mois d'Allah. Ce mois est le mois d'Allah. Ce mois est le mois d'Allah. Taïb. Donc il a lié ce mois à Allah azza wa jalla. Et nous, on sait, par la venue de certains hadiths, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre sa récompense sur toutes les œuvres, toutes les actions que l'on fait jour après jour. Il accorde directement sa récompense. Sauf pour une œuvre qu'il garde, dont il garde la récompense, mata yawm al-qiyamah. Cette œuvre, c'est laquelle, ya ikhwan? As-siyam. Illa as-siyam. Fa'innahu li. Wa ana adzibih. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, à l'exception du jeûne, car le jeûne il est pour moi. Et c'est moi qui vais le récompenser. Donc là, comme il a lié le mois à Allah Azza wa Jal, et la seule œuvre, la seule ibadah qui est lié à Allah Azza wa Jal, dont on a un hadith qui le lit, c'est le sien. Ça, c'est une faïda de l'imam Ibn Rajab pour vous indiquer l'importance de jeûner, de multiplier le jeûne durant ce mois. وكذلك يا إخوان خذوا فرصة هذه السنة لتدعوا عنكم جميع الخزايا جميع الذنوب والمعاصي. Prenez l'occasion de cette nouvelle année pour tourner une page. Hein? Moi le premier. On prend cette nouvelle année pour tourner une page sur les mauvais comportements, sur les mauvaises paroles, sur les péchés en tout genre. Natoub ila Allah min jami'i ma sana'na. On demande à Allah Azza wa Jal et on se repent à lui de tous les péchés qu'on a commis. Wa intabi'u ala athar al-lisan. Al-lisan min a'zam ma yuqa'u al-'abd في ظلمات الكفر والجهل والضلالة. Et prenez garde aux effets de la langue, aux traces de la langue, au mal de la langue. Abdullah ibn Mas'ud فيما ذكر عنه كان يقول فيما معناه لو كان عدو من الجسد أحق عليه الحبس لكان للسان. S'il y avait une partie du corps qui mériterait le plus d'être enfermé, alors ça aurait été la langue. Et certains salafs disent, c'est le seul membre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ou auquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a entouré de deux protections. C'est le seul membre qui est entouré de deux paravents, de deux protections. C'est quoi ces deux protections, Yahouan? Ah, Ismail. La mâchoire, presque. Ah, Aziz. Les lèvres. Les lèvres. Et la deuxième? Les dents. La langue, elle est protégée par les dents et par les lèvres. Et certains sages, ils expliquent cela pour évoquer l'importance de tenir sa langue. وَخَاسَةً عِنْدَ النِّسَاءِ. Et encore plus particulièrement chez les femmes. Plus particulièrement pour les femmes, car le prophète, عليه الصلاة والسلام, يقول خُلِقْنَا مِنْ ضَلْعِ. Elles ont été créées d'une côte. وَأَعْوَجْ مَا فِيهَا أَعْلَاهَا. Et la partie la plus tordue de la côte, c'est la plus haute. Et comme les savants du hadith l'ont expliqué, ou certains savants, ils disent qu'il s'agit de la langue. Donc la femme est plus à même de craindre le mal de sa langue, que ce soit la médisance, ou que ce soit la calomnie ou autre. فَلْنَتَّقِي اللَّهِ وَلْيَتَّقِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَنَسَلَ اللَّهِ أن يمن علينا بمنته وفضله وإحسانه بالخير في هذه السنة. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits et qu'il nous accorde la réussite dans cette année. فمن هاجر هاجر ومن طلب العلم طلب ومن أقبل على الخير أقبل. Que celui qui doit accomplir la hijra durant cette année, on demande à Allah qu'Allah lui facilite. Celui qui se lance pour faire talab al-ilm, dans n'importe quelle terre où il ira, on demande à Allah qu'Allah lui facilite. Et celui qui doit, ou qui s'avance vers n'importe quel bien, que ce soit mariage ou autre, fi hadhihi sana, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il remplisse son affaire de bénédiction et de baraka. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tayyib. On était rentré dans la Muqaddima de Cheikh Al-Uthaymeen ala kitabihi Al-Qawa'id Al-Muthla. ونعود للقراءة et on revient sur certains passages qu'on a lu la semaine dernière. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il dit, après avoir accompli le, ce qu'on appelle khutbatul haja, il dit la foi au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal est un des piliers de la foi en Allah Azza wa Jal. Et la foi en Allah est constituée de la foi en sa présence, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent, ainsi que la foi en sa seigneurie, ainsi que la foi en sa divinité. La foi en sa divinité. À cet endroit-là, Cheikh Saïd, il dit, يقول وهذا الذي بعثت وهذا الذي بعثت الرسل إلى الدعوة إليه عن طريق إلزامهم بالإقرار بالربوبية. Et donc cette forme de foi, cette catégorie, on a dit c'est laquelle? الإيمان بماذا؟ بالألوهية. C'est la foi en la divinité d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ce but-là précis que les messagers ont été suscités et ont été ordonnés. Et c'est à cette adoration et cette foi-là qu'ils ont été ordonnés d'appeler. Et d'une manière implicite, c'est-à-dire en faisant reconnaître à tout détracteur, en lui faisant reconnaître et accepter la foi en la seigneurie. La foi en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. لِأَنَّ التَّوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ يَلْزِمُ مِنْهُ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ. Car le fait de croire en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, et de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa seigneurie, c'est-à-dire c'est lui seul qui fait vivre, c'est lui seul qui fait mourir, c'est lui seul qui accorde la subsistance, c'est lui seul qui fait descendre la pluie, c'est lui seul qui dirige l'univers. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Le fait de reconnaître cette affaire impliquera de croire en sa divinité. Cela impliquera de croire en sa divinité, c'est-à-dire qu'il est le seul et l'unique qui mérite d'être adoré. Le fait de croire qu'il est le seul et l'unique qui mérite d'être adoré, ça, c'est le tawhid al-uluhiyya. Taïb. Donc je reprends la parole de Cheikh Saïd. Il dit وهذا الذي بعثت الرسل إلى الدعوة إليه عن طريق إلزامهم بالإقرار بالربوبية لأن التوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. Donc, car le tawhid, le fait de reconnaître le tawhid de la seigneurie implique le fait de reconnaître le tawhid de la divinité. Et c'est pourquoi vous voyez énormément dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande-leur, man khalaqa as-samawati wal-ard, Qui a créé les cieux et la terre? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ et a assujetti le soleil et la lune. لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Tu verras qu'ils te répondront Allah Azza wa Jal. Que c'est Allah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué dans de nombreux versets une forme de tawhid que les mécréants, ou que les polythéistes de l'époque reconnaissaient déjà? Pourquoi? En fait, pour la simple et bonne raison qu'il voulait les amener d'une manière implicite à reconnaître qu'il est le seul à être à mériter l'adoration. Qu'il est le seul à mériter l'adoration. ثم قال الشيخ سعيد فمن أقر بربوبية الله تعالى لازمه أن يوحد الله في ألوهيته لأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعطي الذي يملك الضر والنفع هو الذي يستحق أن يعبد وحده وهو الله سبحانه وتعالى. Donc Cheikh Saïd il continue, il poursuit, il dit donc celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, qui a foi en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, celui qui dirige toute chose, cela l'emmènera quasi obligatoirement à reconnaître que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Si toi tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui possède le bien et le mal, c'est lui qui fait descendre le bien et le mal. Si tu reconnais tout ça, cela doit t'amener forcément à reconnaître qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. فلهذا كان القرآن ونبينا عليه الصلاة والسلام فيما بعثه الله يحجج المشركين حتى يقروا بألوهية الله يحاججهم بما يقرونه من ربوبية الله سبحانه وتعالى. Et c'est pourquoi le Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam n'ont eu de cesse de débattre avec les polythéistes afin qu'ils reconnaissent le tawhid de la seigneurie qui de surcroît les emmènera forcément à reconnaître le tawhid de la divinité. Tamam. Donc ça c'est au sujet de la parole de yani la notation de Cheikh Saïd au sujet de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen wal iman bil uluhi bi uluhiyyati. Thumma qala طيب. Donc on reprend wa yaqul Cheikh Al-Uthaymeen wa hiya al-iman bi wujud Allah ta'ala wal iman bi rububiyyatihi wal iman bi uluhiyyatihi wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. À cet endroit-là, Cheikh Saïd يقول أركان الإيمان ستة أولها وهو أعظمها الإيمان بالله وهذا شامل لسائر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان بوجوده وهذا الذي خالف فيه الملاحدة الدهرية. Cheikh Saïd à ce passage-là il profite pour rappeler que les piliers de la foi sont au nombre de 6. Le premier de ces piliers, le plus important, c'est lequel, Akhana Ba'anas? Eh ouais, la foi en Allah Azza wa Jal, c'est le plus important. Et c'est le premier de ces piliers. Et cela, ce pilier-là, il rassemble tout ce qui est en lien avec Allah Azza wa Jal parmi les informations auxquelles on se doit de croire en ce qui concerne sa présence. Et c'est sur le sujet que a divergé ou on contredit. C'est sur cette affaire qu'on contredit Al-Malahida. Comment je pourrais traduire ça, Al-Malahida, Yahwan? Les Al-Malahida. Et sur ce point, on va mulhid, mulhid, malahid. Ceux qui sont détournés, les impies. Ouais, ouais, voilà. Bon. Voilà. Et sur ce, c'est sur ce point-là, c'est ce point-là qu'on contredit les égarés qui prétendent à la théorie de comme quoi on descend du singe, la goutte d'eau ou quoi, hein, c'est quoi cette la théorie de Darwin? Ouais, la théorie de Darwin, ouais, non. Oui, oui, c'est des athées, voilà, c'est ça que c'est le mot que je cherchais, voilà. Les athées, ceux qui disent que la présence Dieu n'existe pas. طبعاً يقولون هذا بلسان بلسان المقال وليس بلسان الحال. Ces gens-là, ils prétendent cela par la bouche, alors que tous leurs agissements prouveront le contraire. Ils disent Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'ils sont frappés d'un malheur, tu vas les voir crier et faire appel à Allah Azza wa Jalla. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Donc, Cheikh Saïd, il dit que c'est sur ce sujet qu'on contredit les athées, c'est-à-dire sur la croyance en Allah, en sa présence, son existence plutôt. ونفات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته وهكذا أيضا ممن نفاه بعض الدهرية وبعض المشركين في ذلك الزمن وإلا فالمشركون أكثرهم أقروا بالربوبية وآمنوا بها. Donc ça c'est une partie des de ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal. Ils sont allés très loin en disant que ils n'existaient pas. Mais sinon, la grande majorité des polythéistes, eux, ils ont croyance, ils ont la ferme conviction en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire les mushrikoun de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Les mushrikoun de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Donc la plupart d'entre eux, ils ont reconnu cette forme de tawhid et ils ont cru en elle. ثم قال الشيخ سعيد ولكن أنكر الربوبية الله وتصرفه بعض المشركين وقد نص على هذا المقرزي وغيره من أهل العلم. Donc comme on avait évoqué aussi dans le cours précédent, une grande majorité des mouchriquins du temps du prophète, alayhi salatu wasalam, ils avaient foi en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, comme quoi c'est lui qui dirige l'univers, c'est lui qui fait vivre et fait mourir, c'est lui dans la main de qui se trouve le bien et le mal. Cependant, dans certains principes de cette croyance, ils avaient des manquements. Comme dans le fait de croire Mahdi et Ikhwan. Que les astres sont les seuls et uniques maîtres qui dirigent la pluie, qui font descendre la pluie. Et ça, c'est une forme, c'est un manquement dans quel type de tawhid? Dans le tawhid al-rububiyya. Naam. Wa kadhalika, le fait de comme on avait de chercher la baraka. Là, le fait de chercher la pluie, ça contredit quelle croyance de la Rububiyya? C'est Allah qui fait descendre la pluie. Que c'est Allah qui fait descendre la pluie, que c'est Allah qui fait descendre le risque. Et le fait de croire que une chose peut nous bénir, autre qu'Allah. Ça rentre dans quel Rububiyya? Mais dans quel C'est Allah qui accorde la baraka. C'est Allah qui fait descendre la baraka. Ar-Rahmah. Ah, alors. Alladhi yamlikash. Ouais, je veux dire, t'as vu là, comme je t'ai posé la question par rapport à la pluie. Comme quoi, c'est Allah qui fait descendre. La pluie, c'est Allah qui fait descendre le reste. Là, par rapport à la bénédiction, le fait de rechercher la bénédiction d'autre qu'Allah Azzawajal. Ça, ça contredit quelle croyance de la Rububiyya? Al-Rizq. Hein? Al-Amr. Tadbir al-Umur. Khat. يعني أوضح من هذا ها القدر وأوضح كيديمي الملك كيديمي en plus je l'ai dit cela يملك أيوة يملك الضر والنفع. Ça contredit le fait de croire que c'est Allah qui possède le bien et le mal. Qui accorde le bien et le mal. Tamam? Non. Le petit conseil a pris une grande place dans le dars, Inch'Allah. Avec ta fille, Bihad al-Khadr. Pour le dessert.